le live à la house music. C'est Mike Dunn. Nous sommes en 1989. C'est le son de Chicago. Bienvenue dans la nuit des temps. $50 bills. with nothing left to do. It's got a hand on your shoulder and an arm around you too. $50 bills, $50 bills, $50 bills, burning up my pocket. À Londres, plus précisément à Hampstead, et les portes du bar Le Zodiac s'ouvrent, et ce soir c'est Beer Code. Et un peu plus au fond, pas loin du bar, les enceintes crachent leur disco dark, les Sworn Vengeance. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Gold, dirty money on your pale white skin. Rockin' your body, 'cause I'm 5 feet tall, making sugar walls fall just like the London Bridge. 'Cause I'm a Listen up, Detroit. Wherever you are, whatever you're driving, whoever you're sitting in a restaurant, party store, nightclub, whatever you're doing, this the King of DJs, Ray O'Shea from Detroit. I want you to come to Detroit and check us out. How we ballroom, how we hustle, how we step, how we party, how we cabaret. We go nightclub to nightclub, cabaret to cabaret. We do this 24/7. We roll out with Ray O'Shea. I'm so old. This love ain't old. Ses relations toxiques et gueules de bois, pour les Martin Circus, la vraie vie, c'est la fête. Alors, direction le métro Anvers, à Paris, et encore quelques centaines de mètres à pied, on arrive sur le boulevard de Clichy, et plus précisément Pigalle. En 1971, à Pigalle, les Martin Circus rêvent d'un truc. Faire un bain de minuit à poil, sous la lune, et vous savez où ? Au Sénégal. Bye. Music is a spiritual thing. You don't play with music. If you play with music, you will die young. You see, because when the higher forces give you a gift of music, musicianship, it must be well used for the good of humanity. If you use it for your own self by deceiving people or doing this, you will die young. You see? And I've told people this many times. So I'm going to prove them wrong and prove myself right. Because now I'm 44, I'm getting younger. Because I'm doing it right. I can play music for 10 hours. I'm never tired. I'm getting younger because the spiritual life of music that I've led rightly is helping me now. Ayo, Holland, Dublin, Wisland, Dublin, Sister Ba, Sister Ba. Ayo, Holland, Dublin, Wisland, Dublin, Sister Ba, Sister Ba. Ha, you a Ghana, you this. Tell me when you're over this. Nothing that takes, get the wah, you don't have the second man. I'm not prepared for me. Them let you back and I'll send water. No swap, dog, for semi. Moody collector, Starlamin, I'm not a movie. Jerk of a jay, not the chin for cool, but no. You finger, there are the high, you fuck me, what more, but they. La nuit des temps, l'international de la danse. Are you ready for your prime time workout? Stand with your feet a little more than hip distance apart and slightly turned out. Stretch your torso up tall, arms are at your sides. Your chest is lifted, your shoulders are pressed back and down. Pull that stomach in now, and your weight is slightly forward. Now think of curling your pubic bone up toward your navel. Feel how that lengthens and straightens your back. Your knees may be very slightly bent. Now lift up your head tall. Inhale through your mouth. And exhale. C'est notre power play de la semaine. Le son de Chicago. C'est le producteur Mike Dunn. Un joyau de la deep disco, Sweet Clover. Nous sommes en 1979. Thank you. la nuit des temps, Radio Duo. Is an Ashanti proverb in Ghana, which says, "Pefenefe, intina, oba chubenka, osone nufu na yese, ebetia tonti," which means, "It is because of the beauty that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall." Thank you. Olivia Bazinski, plutôt branchée ambiante, s'attache aussi à mixer jazz, down tempo et disco. I feel free. Et nous aussi. Moments are the echoes of a spectral explosion, way out in outer space and larger astronomical time, as measured flickers are, as sunspots radiological static over waves. They box the cosmic reels, the overriding notions, steel and are sealed above the oceans of the clouds. sou um cantador, nada pode me calar. Hoje sou um cantador, nada pode me calar. Hoje sou um cantador, nada pode me calar. Radio Duo, il est presque 22h. Eh ben oui, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et ce soir, nous avons cherché à toucher le Natural High. Nous avons reçu sur notre dance floor Mariscal Romero, qui n'en rate pas une pour faire son show. Mike Dune, en power play depuis Chicago, pour tout ce son house de Chicago. Les Sword Virgins, dont la musique hantait les clubs gays en Angleterre. Et Slum Village, qui arrive un peu trop tard, après les années 80. On a également reçu Jenny contre les amours toxiques. Mais les Martin Circus, eux, sont pour le Sénégal. Et nous avons aussi accueilli la grande Sister Fa, militante féministe et parfaite rappeuse au Sénégal, justement, cette fois le vrai Sénégal. Un petit coup de Jane Fonda et hop, c'était au tour des Sweet Clover de faire ressentir son disco profond, analogique et harmonique. Les Sparkle Division se sont sentis libres et Espen Horn, produit par le label Wawa 45, nous rappelle que le jazz est aussi norvégien. On referme doucement les portes de notre bon vieux club. Dans quelques minutes, ce sera la joie, la rage et le courage sur Duo. Et c'est pile le moment de lever le nez dans le ciel tempétueux de Saint-Étienne. Et s'il y a des nuages, s'il y a du vent, il y a aussi des bourrasques. N'oubliez jamais, encore un peu au-dessus, les étoiles brillent avec les ondes de Duo. Buena notte, salut!